Eh bien, bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir, et oui, être là à chaque semaine comme ça et vous offrir la richesse de la musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Aujourd'hui, on va entendre entre autres du Daniel Légère, du Vichtin, l'album de la semaine René Ray et son album éponyme. Du côté de l'Ontario, on va entendre entre autres du Cano, du Robert Paquette, du Christine et des Tassane et les Imposteurs et Marie-Véronique Bourque en instrumental. Et aussi, j'ai pour vous du Étienne Fletcher, du Rihanna, Pontex et bien d'autres. Restez là, je vous reviens bien entendu avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne sur les ondes de votre radio préférée. Bien le bonjour, ici Lalonde des ondes, très content d'être avec vous et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa, CFRH la radio francophone du comté Simcoe, la région de Barrie en Ontario, Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CLS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, CDN, commercial, gmail.com. Voilà. Allons-y avec le bloc des Maritimes. Comme à l'habitude, ben à l'habitude, nouvelle habitude, hein, parce que ça fait cette année, en 2019, ça fait 25 ans que l'émission existe. On va commencer avec une chanson souvenir d'un album qui fait 25 ans, oui. L'album de Danny Boudreau, Sans détour, est sorti le 25 janvier 1994. Donc, ça fait 25 ans pour Danny Boudreau aussi. Et on va écouter une très belle pièce de cet album-là qui en comprend beaucoup, beaucoup de très bonnes pièces. Mais une de mes préférées, c'est « Laisse-moi t'aimer », très, très belle ballade, vous allez voir. Donc, voici Danny Boudreau et « Laisse-moi t'aimer » à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Tes allures de petite fille, quand tu souris ou quand tu pleures, le parfum du désir que tu m'envoies avec ton cœur. Tes manies de sourire à tout ce qui me fait plaisir, les larmes de tes yeux quand tu me vois malheureux. Laisse-moi t'aimer encore aujourd'hui, encore une nuit. Laisse-moi t'aimer toute une nuit et toute ma vie. Laisse-moi t'aimer, aide-moi à découvrir toutes tes folies. tes désirs. Je voudrais te décrire avec mes plus belles aquarelles et sculpter notre avenir dans les rochers près de la mer. Je voudrais te conduire au plus profond de mes images pour pouvoir te séduire avec les vagues de la plage. Laisse-moi t'aimer encore aujourd'hui, encore une nuit. Laisse-moi t'aimer toute une nuit et toute ma vie. Laisse-moi t'aimer, aide-moi à découvrir toutes tes folies et tes désirs. Les ombres, les lumières et les chansons que je t'écris. Ce monde imaginaire et ma façon de voir la vie. Sur terre, le voyage m'a donné l'envie de revenir. Et depuis j'ai les idées plus claires. Le pays de Cocagne, je veux y rester. Le bonheur est en soi, nulle part ailleurs. L'horizon était là, dessous mes pieds. Faut voir avec les yeux du cœur. J'ai parcouru le monde à chercher qui je suis. J'ai voulu apprécier ce qu'il y a de plus joli. Les cinq océans et les plus hautes montagnes. Mais j'ai trouvé le paradis au pays de Cocagne. À la peau comme une tache de naissance, ce pays de Cocagne, ce pays d'abandon. J'ai parcouru le monde à chercher qui je suis. J'ai voulu apprécier ce qu'il y a de plus joli. Les cinq océans et les plus hautes montagnes. Mais j'ai trouvé le paradis au pays. J'ai trouvé le paradis au pays de Cocagne. On a commencé l'émission avec un souvenir de Danny Boudreau, « Laisse-moi t'aimer », tiré de son album « Sans détour » qui célèbre ses 25 ans cette année. Et là, on vient d'entendre de l'album « Groundé », Monsieur Daniel Légère, « Le pays de Cocagne ». Et puis, Monsieur Légère vous attend à la Saint-Valentin au Monument Lefebvre à Memramcook pour un très bon spectacle. Donc, avis aux intéressés, si vous voulez voir un bon auteur, compositeur, interprète au Monument Lefebvre, le 14 février prochain, Daniel Légère. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec « Sans amour et sans remords » parce que la charmante Caroline Savoie, qui prépare un nouvel album, et on peut voir un extrait là, sur ma page Facebook, il y a un petit clip de 25 secondes. On entend un peu un extrait du prochain album, mais aussi sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK, on peut voir que Mme Savoie ainsi que M. Chan, Patrick Chan, sont les porte-parole des rendez-vous de la francophonie qui, cette année, on n'y est pas avec la POC, c'est un mois. Un mois de francophonie du 1er au 31 mars. Donc, les deux porte-parole sont Caroline Savoie et Patrick Chan. Il y a un petit clip qui présente tout ça sur ma page Facebook. Allez voir. Donc, en attendant son prochain album, dont j'ai très, très, très hâte, on va entendre « Sans amour et sans remords » de Caroline Savoie. Par la suite, eh bien, ça sera Vichtin qui, eux, continuent à avoir beaucoup de plaisir et en offrir beaucoup de plaisir parce que tout au long du mois de janvier et février, ils sont en Angleterre, au Royaume-Uni plus précisément, parce qu'ils vont se promener un peu partout en Angleterre, aussi en Irlande. Donc on va les entendre avec l'autre femme. Mais juste avant, voici Caroline Savoie. Tu m'as bouleversée, je suis plus la même qu'avant toi. Tu m'as déshabillée et je t'ai tout donné. T'es ma plus grande faiblesse et je succombe sous l'ivresse. Et je te laisse m'enivrer de tes beaux mensonges et de tes baisers. Et je te laisse faire me virer à l'envers. Mais pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu. Dans le fond de ta mémoire, j'existe plus dans tes histoires. Une figurante sans le savoir. Ton appel le samedi soir, quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon cœur, sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Tu m'as rendu malade, je pense à toi et ça me fait mal. Je sais que tu ne m'aimeras pas, plus d'une soirée sous tes draps. Mais tu m'as sur mes genoux, même si je sais à quoi tu joues. Je n'ai pas le cœur de m'avouer que quand je supplie, tu ne fais que t'amuser. Et moi je te laisse faire, me virer à l'envers. Quand pour toi je suis qu'un souvenir que t'as perdu. Dans le fond de ta mémoire, j'existe plus dans tes histoires. Une figurante sans savoir. Ton appel le samedi soir, quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon corps, sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Malgré tout, je t'oublierai, je répondrai plus à tes envies. Et quand je serai seul le matin, au moins ce sera pas dans ton lit. Je m'en mettrai sur mes pieds, je soignerai mes blessures que t'as laissées derrière toi, sans même nous revoir. Sans même nous revoir. Car pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu. Dans le fond de ta mémoire, j'existe plus dans tes histoires. Une figurante sans savoir. Ton appel le samedi soir, quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon corps, sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Oh, dame hôtesse, mon mari tu es ici. Dame hôtesse, mon mari est ici. Montez Vichtin avec l'autre femme. Vichtin, comme je vous rappelle, sont en Europe, plus précisément au Royaume-Uni, pour le mois de janvier et février. Et Emmanuel Leblanc, une des jumelles, va aussi, doit commencer, je pense, à travailler sur un gros spectacle pour le Congrès mondial acadien qui aura lieu sur l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est l'année 2019, très bien remplie pour Vichtin et Emmanuel Leblanc, plus précisément. On va y aller avec une dernière chanson, pourquoi pas. Et j'étais au Contact Ontario la semaine passée et on a vu des vitrines, des petits mini-spectacles de 20 minutes de différents artistes comme ça qui avaient des spectacles à proposer, dont M. Pierre Guitard. Et oui, assez rock'n'roll, assez intéressant comme vitrine. Et j'ai réussi à mettre la main sur l'album. L'album qui est disponible maintenant, c'est « Tuer la bête jusqu'à dimanche », disponible sûrement sur Distribution Plage, www.plage avec un s.net. Vraiment, là, très bon album, assez intéressant. Première écoute rapide, comme je le fais souvent. J'ai pu voir qu'il y a de très bonnes pièces sur cet album-là. Donc, on va terminer, si vous voulez bien, avec une pièce qui s'appelle « Les matins me crient par la tête ». Et assez intéressant. C'est un gars à surveiller. C'est un album que je vais sûrement commenter d'ici les prochains jours, là, pour le mois de février. Donc, je vous envoie cette pièce-là. C'est ce qui va terminer le bloc des Maritimes. Et par la suite, bien sûr, c'est l'album de la semaine qui s'en vient. Donc, restez là. Mais pour l'instant, voici M. Pierre Guitard. Les matins me crient par la tête à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne.